Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à Objectif Numérique, épisode 40. Wouhou! Enfin, 40 épisodes! Enfin! Au menu, des micro-ajustements d'objectifs, des filtres à dispersion d'eau. Benoît, de retour, nous présente le Canon 5D Mark III, des albums partagés sur Facebook pour bientôt, 6 erreurs communes à éviter dans Photoshop, des trucs pour la photo d'automne, et on parle un peu plus en détail d'Adobe Creative Cloud. Stéphane Vaillancourt au micro et mes collaborateurs habituels, François Blanchette. Salut Stéphane. Christian Jarry. Salut Stéphane. Et Benoît Chamontin qui est de retour pour un deuxième épisode. Bonjour tout le monde. Et 40 épisodes. 40. Je sais qu'on l'a dit là, mais ouais. 40 épisodes. Quand même, hein? Quand on a parti ça, je m'attendais à en faire 10, puis j'aurais été heureux. 10-12, hein? On a fait 40. Ouais. Ouais. Grâce à vous, nos auditeurs. Oui, parce que les auditeurs nous envoient des commentaires motivants. Écoutez, on reçoit des fleurs à tour de bras, c'est vraiment merci, motivant. Merci, merci, merci beaucoup, vraiment. Ouais, on le dit pas assez souvent, ça, j'avoue, mais merci beaucoup. Merci. Ben, je remercie les auditeurs en fin d'épisode, mais c'est presque une habitude dans tous les... Le tralala, mais oui, merci, chers auditeurs. Et on se dirige vers 50 épisodes, après 100, après le monde! Ouais, bon, Stéphane, ouais, ok, non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Cortex, aujourd'hui? Je vais apporter une petite correction que j'ai oublié d'apporter au dernier épisode. À l'épisode 37, pendant l'épisode 37, on a dit que le Canon 70D était équipé d'un processeur DIGIC 6, alors que c'est un DIGIC 5+. Donc, merci à Bernard Dallaire de nous avoir fait remarquer cette petite erreur. On s'en excuse. Et c'est maintenant le temps de lancer un 7e défi photo. Cette fois-ci, le sujet va être la répétition ou les patterns. Et pour ce défi photo, nous avons un prix, un magnifique prix de Blurb, le service d'impression de livres photo, notamment. Et Blurb, en fait, c'est un service très utile pour les auteurs et même les entreprises, ceux qui veulent créer des livres d'apparence professionnelle. En tout cas, moi, j'en ai fait imprimer deux là, pour par pur plaisir. Puis c'est quand même super intéressant. On peut choisir la couverture. J'en avais déjà parlé, mais j'aime bien le répéter. C'est qu'on peut avoir une couverture souple, une couverture rigide. On choisit son type de papier. On choisit la couleur des feuilles. Tu sais, il y a toujours une feuille ou deux de vide au début. Là, on peut choisir si elle est blanche, si elle est noire. Des petits détails comme ça, là. La couleur de fond de page. Et après, on fait sa mise en page. On peut ajouter du texte. Vraiment, c'est très facile à personnaliser. Et puis, maintenant, c'est intégré dans Lightroom 5. Donc, on peut déjà créer un livre Blurb à partir de Lightroom, directement préparer ses photos et tout ça. Donc, c'est une option, une avenue intéressante à explorer aussi. Alors voilà, Blurb nous offre un prix de 75$ pour si c'est un Québécois, un Canadien qui gagne, ou 50€. On parlait du taux de change au dernier épisode. Mm-hmm. Et voilà, donc, et c'est quand même, c'est un prix qu'on offre à tous les auditeurs. C'est quand même très généreux de la part de Blurb. Et voilà, donc, vous aurez, comme d'habitude, 2 semaines pour participer et nous envoyer vos photos à l'adresse défiphoto@objectifnumérique.com. Et maintenant, on a Christian qui va répondre à une question d'un auditeur par rapport à des micro-ajustements d'objectifs. Moi, honnêtement, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. De quoi s'agit-il? Quelle était la problématique de départ? Il arrive à l'occasion qu'avec certains objectifs, on va avoir des petits problèmes d'autofocus. Il ne fait pas le focus correctement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, dépendant de ce qui se passe. On peut envoyer notre objectif au manufacturier pour le faire arranger. Ça coûte quand même assez cher, là. C'est 200, 300, 400 dépendant de l'objectif, dépendant de bien des facteurs. Évidemment, bien sûr, il vous envoie un estimé avant de le faire, là. Ça, c'est typique. Par contre, quand on a un appareil de type semi-professionnel ou professionnel, il y a dans l'appareil des micro-ajustements qui peuvent être faits sur ces objectifs-là. On peut les faire de deux façons, c'est-à-dire qu'on peut les faire si c'est l'appareil qui est en défaut pour l'autofocus, on peut le faire directement sur l'appareil qui va ça va affecter tous les objectifs, ou ben non, on peut y aller par objectif. OK. Dans le fond, c'est juste c'est vraiment des petits ajustements là, mineurs qui vont faire. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vais vous emmerder royalement. Mais je vais vous donner un site sur notre site où ce qui va vraiment vous le montrer de façon visuelle, parce que c'est très, très, très ardu. Mais rapidement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre caméra sur notre appareil photo sur un trépied. On a à l'écran une espèce de spirale. Quand le focus se fait pas comme il faut, l'image se déforme. Fait que ça, on sait. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va dans les menus, c'est dans les menus experts avancés, puis c'est là qu'on va faire les petits micro-ajustements, puis qu'on va essayer de refaire notre focus. Puis là, ben, il faut qu'il soit à l'infini, puis il faut juste qu'il bouge minimalement. Tout est expliqué, comment fonctionner avec ça. Normalement, moi, j'avais déjà fait des tests parce que j'avais pensé avoir des problèmes d'autofocus, puis il faut être très, très, très prudent avec ça. Parce que ce qui m'est arrivé, moi, c'est que j'avais fait quelques changements comme ça, juste pour faire des tests, puis je me suis rendu compte que c'était pas ça, puis j'ai oublié de les remettre normal. Mm. Fait que la fois d'après, quand je suis arrivé pour prendre des photos, rien était au focus. Mm. C'était pas une grosse affaire, là, mais c'était juste pour dire. Fait que soyez très prudent avec ça. Très, très, très prudent. Puis ce que vous faites comme changement, enlevez-les immédiatement si ça ne fait pas l'effet que vous êtes supposé. Mm-hmm. Toute façon, vous allez le remarquer par la suite. Oui, mais c'est, là, c'est pas pire, ça a bien à donner. C'était pas quelque chose de majeur ou rien de ça, mais j'avais quelques très bonnes photos que j'avais. Malheureusement, ça, c'est le genre d'affaires qu'on remarque pas sur le petit écran de l'appareil. C'est exactement ça, parce que moi, quand je regardais sur mes photos, sur il y avait l'air bien correct, mais c'était juste assez pour être pas tout à fait au focus. Puis quand je disais c'est ça, c'est exemple le genre d'appareil qui ont ça, ça va être mettons comme le 1DX, le 1D Mark III ou le 5D Mark II ou Mark III, oui c'est ça, la 7D ou du côté Nikon la D3, D3X, D4. Vous voyez, c'est plus les gros là, qui vont tout avoir ça. Fait que les pros. Des pros, exactement. Fait que c'est pas ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, mais attendez-vous pas à faire des miracles avec ça. Mm-hmm. Quelqu'un m'a prêté un objectif, puis d'ailleurs, je voulais le retester parce que tout est hors focus. C'est incroyable. C'est un objectif 50 mm, puis tout est hors focus. Okay. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un problème similaire comme ça. Fait que je vais l'essayer justement, voir. Je vous en redonnerai des nouvelles, voir si ça a donné un effet quelconque, là, si ça a réglé mon problème ou pas par rapport à ça. Parfait. Non, ben merci bien. La question nous venait de Thierry Michel, alors j'espère que ça répond à votre question. Et maintenant, François va nous parler d'un petit bidule intéressant. Ben, en fait, il va nous parler de filtres avec une utilité un peu spéciale. Oui, Tokina qui fabrique des filtres à installer devant l'objectif. Ça peut être de densité neutre pour donner une couleur différente, tout ça. Il vient de sortir un nouveau produit, c'est un filtre clair, transparent, mais avec une couche qui va disperser l'eau à sa surface. Okay. Au lieu que l'eau se forme en gouttes ou en gouttelettes devant l'objectif. Oui, ça va, c'est embêtant. Hein? Oui, va carrément empêcher la formation de gouttelettes. Donc l'eau se retrouve quand même là, mais s'étend de manière telle que quand on prend notre photo, je vous le jure, j'ai vu, ça se voit pas. Okay. C'est vraiment bien réalisé comme truc. Et puis, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur notre site objectifnumérique.com, l'épisode 40. Vous allez voir le filtre en fonction. Alors, c'est dans un salon quelconque avec des nouveaux produits. Puis au kiosque de Tokina, il y a un gars qui fait une entrevue avec le représentant de la compagnie. Puis il prend une espèce de truc pour envoyer de l'eau avec un spray directement sur le filtre. C'est l'équivalent d'être en pleine pluie. Puis on regarde du côté de la caméra, c'est parfaitement clair. Okay. Vraiment, tu vois le spray arriver dans l'objectif, mais tout de suite après, l'image devient claire. Eh ben. Fait que c'est vraiment bien réalisé. Puis là, il y a un paquet d'applications, évidemment, pour ça. Ça peut être en télé, sur les téléphones cellulaires. C'est vraiment, la technologie est là. C'est l'équivalent d'un produit dans les pare-brises pour les automobiles. Oui, ça existe. Oui, ça s'appelle Rain-X au Canada, oui. Puis aux États-Unis. Que j'ai pas vu en action, mais ça semble vraiment de travailler de la même façon. Oui. Ah. Alors, surprenant. Allez voir la vidéo, c'est vraiment, vraiment surprenant. C'est un beau petit produit. Parfait. Et ben maintenant, on a Benoît qui est de retour et qui va nous parler de sa nouvelle acquisition suite, pour ceux qui ont écouté l'épisode dernier, suite au vol de son équipement photo, Benoît s'est rééquipé et avec un bel appareil, le Canon 5D Mark III, rien de moins. Il y a des anges autour de nous. En fait, il y a des flaques de salive vaguement, pied de nos micros. Benoît, qu'est-ce qu'il fait de merveilleux cet appareil? Il fait tout. Ouais, photos. Des photos. Hein, ouais, ouais. Évidemment, je vais aller direct à la conclusion presque, c'est waouh. Okay. C'est le mot qui vient quand, quand on prend l'appareil photo, puis quand on joue avec, c'est vraiment un vrai plaisir. Puis j'avais un 50D, j'étais pas à plaindre avant, j'avais quand même un super appareil, mais on passe à un niveau qui est totalement différent, puis ça sent dès qu'on le prend en main, la finition est totalement différente. Mm-hmm. Les photos sont extraordinaires dans des conditions auxquelles on penserait même pas faire les photos. En effet. Moi, bon, Christian l'a testé tout à l'heure à ISO, quoi? 21 800, puis il y avait pas grand bruit. Sincèrement, là, il n'y a pas grand chose. Incroyable. Après, moi, je suis quelqu'un qui a été élevé au biberon Canon. Et, donc, du coup, ça ne veut pas dire que j'ai aucun respect pour Nikon. C'est juste que je suis habitué à cet univers-là, à tout ce qui est l'ergonomie. Puis on s'y retrouve, même si c'est extrêmement pointu, beaucoup plus pointu que ce qu'on a comme menu, on s'y retrouve globalement. Par rapport à un 50D, je n'ai pas pu tenir que le 50D, je peux comprendre. Mais moi, avec le 7D, là, je vois, pour ainsi dire, pas de différence, c'est vraiment mineur. Ouais, c'est que tu es tout de suite à l'aise. Ouais, je suis tout de suite à l'aise. Est la même. Définitivement, oui. Okay. Pourquoi ce choix? Ça, c'est parce que j'aurais pu choisir d'autres appareils entre entre mon 50D puis le 5D. Vu que dans mon vol, on m'a volé ma caméra photo et ma caméra vidéo, j'avais besoin, moi, de pouvoir réaliser des entrevues. J'avais besoin d'avoir aussi mon bon appareil photo. J'ai comparé le 7D, le 6D, puis le 5D. Le 6D était éliminé d'entrée parce qu'il n'y a pas d'entrée, d'entrée casque. Donc, quand on filme, tout de suite, c'est pénalisant parce qu'on ne sait pas ce que ça rend. Ouais. Ça devient moins intéressant. Et là, le 7D, il commence à dater un petit peu. Mm-hmm. Avec la sortie du 70, d'un seul coup, ça devient moins intéressant, donc j'ai opté d'investir plus en disant que j'allais avoir une satisfaction qui est différente. Mais est-ce que le 70D avait été annoncé quand tu as fait l'achat? Parce que ça aurait peut-être joué dans ton processus décisionnel? Oui, j'ai certaines personnes qui m'ont dit que la sortie du 70D, c'était peut-être pour ça que j'avais perdu mon appareil, qu'on me l'avait volé. J'ai regardé les caractéristiques, j'ai hésité un petit peu, puis je me suis dit, je suis prêt pour un saut vers le plein format, le capteur plein. Donc c'est pour ça. Après, c'est posé la question 5D Mark II ou 5D Mark III. Mm-hmm. Puis je pense que c'est de ça que je vais parler le plus pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir. La première chose, c'est que Canon ne s'est pas engagé dans une course au mégapixel. Mm-hmm. La résolution est globalement la même. Je pense qu'il y a 1 mégapixel de différence. Je pense que c'est 21 versus 22 ou 22 versus 23, quelque chose comme ça. Le travail n'a pas été fait à ce niveau-là. En revanche, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. L'autofocus, il vient du 1DX. Donc, il y a 61 collimateurs répartis plus largement. et surtout beaucoup plus réactif que le 5D Mark II, qui était un très bon appareil pour le studio, mais dès qu'on sortait, il était un peu plus lent. Pour le sport, c'est clair que Nikon, par exemple, avait repris de l'avance par rapport à Canon, qu'on voyait avant autour de tous les J'avais stars. Lu que beaucoup de monde préférait utiliser un 7D, justement, ouais. à cause de ça, parce que justement, l'autofocus, même s'il y avait moins de points, était beaucoup plus réactif, beaucoup plus utile. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça. C'est un appareil qui est devenu beaucoup plus complet, beaucoup plus polyvalent. Après, bon, c'est un DigiX 5+, comme on l'a vu, mm-hmm. Qui est un peu sur toute la gamme aujourd'hui de Canon qui sort. La mesure d'exposition passe de 35 à 63 zones, donc elle est beaucoup plus précise, en automatique notamment. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas encore pris tous les réflexes de faire tout en manuel, etc. Mais rien qu'en automatique, on voit énormément cette différence-là. Mmh. Bon, la sensibilité ISO, on en a parlé. Magnifique. Elle passe de 25 600 à 102 400. Alors, on n'ira jamais jusque-là, non. mais jusqu'à 25 000, 27 500. C'est impressionnant. Ben justement, c'est vraiment impressionnant. C'est ça, on regarde toujours jusqu'où l'appareil peut aller, puis on recule peut-être de 4 crans, quelque chose comme ça, puis c'est ce que ça va donner comme utilisation, là, comme plage utilisable, parce que... C'est vraiment impressionnant. Écoute, il n'y a pas de flash avec, pas de flash intégré. Donc, tu sais, la première question que je me suis dit, c'est « Ok, il va falloir que vite j'investisse dans un bon flash avec. » J'étais invité à un événement où c'était un petit peu avec des... Oui, il y avait un peu de spot, mais c'était un peu sombre. C'était à la ronde, justement, dans l'espace Nintendo. Okay. Je me suis dit, ah, ça va être impossible. C'est très sombre, cet endroit-là, ouais. sérieusement. Les photos que... Ben, je suis allé, moi, c'est ça, ouais. Je vous mettrai le lien sur le podcast. Parfait. Avec l'album que j'avais fait. Puis c'est impressionnant. Moi, je suis sorti de là avec le sourire aux lèvres parce que tu prends vraiment du plaisir. Enfin, tu reprends du plaisir... T'en perds pas, mais t'en reprends encore plus ouais, par rapport à ce que t'as pas la limitation de beaucoup de monde. Ouais. La motorisation passe de 3,9 images par seconde à 6. Mais à noter qu'il y a une fonction extraordinaire. Puis en ligne, je vois que c'est vraiment plébiscité. Il y a, comment dire, on peut le mettre en silencieux. On peut mettre le mode rafale en silencieux. Ça passe à 3 images par seconde. Quand je dis silencieux, c'est on n'est pas au niveau Leica comme on peut connaître avant, mais le déclencheur est beaucoup moins bruyant. Okay. Ça peut être très, très pratique quand on est dans des cérémonies, quand on est dans des églises ou d'autres espaces. Avec des animaux, des oiseaux, ouais, de la faune. Oui, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, j'ai l'appareil entre les mains. Si on va vous faire écouter la différence. Si je place l'appareil en mode rafale. En rafale normale? Oui. Alors, je l'ai installé tout près du micro pour que vous entendiez bien. Maintenant, je vais aller en mode silencieux. Voilà, je suis à la même distance là, du micro. Ouais, moins de la moitié du bruit, je dirais. Oui, environ. Donc, c'est vrai, c'est vraiment une différence marquée. Oui, super. Le viseur est proche du 100%, voire 100%, alors que c'était 98% avant. Donc, bon, c'est une grosse avancée. Ah, au moins, j'ai une avancée sur lui. le mode vidéo est plus riche. Bon, prise casque, réglage manuel du niveau d'enregistrement, ça, c'est extrêmement pratique pour éviter les cliquetis quand on parle. Il y a deux possibilités d'encodage. Bon, tous ceux qui s'intéressent à la vidéo, c'est un appareil qui est devenu... Canon est connu pour ça. Là. Ils avaient pris une avance extraordinaire pour ça. Mm-hmm. Carte mémoire. Alors, il y a deux emplacements de carte mémoire. Compact flash et SD. Génial. On pourrait dire pourquoi pas deux compact flash. Puis je vais y revenir dans les manques et puis dans les limitations. L'ergonomie, ben c'est ça, il y a des changements. Le commutateur photo-vidéo apparaît. Il y a un mode HDR qui est plus simple. Okay. On peut trier les photos en attribuant des numéros de 1 à 5 directement dans l'appareil pour faire son tri à l'avance. Ok, comme, une appréciation, là, c'est ça, les fameuses étoiles, disons, dans Lightroom. Et puis on peut afficher deux photos pour les comparer, des choses comme ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il corrige beaucoup de défauts qu'avait le 5D Mark II. Enfin, quand je dis beaucoup de défauts, on s'entend, mais beaucoup de défauts que des personnes avaient relevés. C'est qu'il augmente beaucoup. Tu sais, il passe à l'étape suivante. Là. Il est quasiment plus proche d'un DX que du 5D Mark II. Là. Mm. Il y a vraiment une grosse coche de plus. Après, il y a des manques. On va être franc. Mm. Il n'a pas le Wi-Fi. Ça, quand c'est le 7D qu'il a, ou le 6D a le Wi-Fi. Le 6D a le Wi-Fi. Ouais. Et le module, il coûte 700$. Ah, yeah. 700$ ouais, pour le module du Wi-Fi. Là. Ben, quand on tombe dans les appareils professionnels, les accessoires, ouais. Le prix est toujours là parce que c'est des compagnies souvent qui achètent mais ça. J'avoue que je vais faire ma note résonante, dissonante, mais le Wi-Fi sur des appareils photos, je suis pas 100% vendu encore parce qu'il faut que ça soit bien implémenté. Puis malheureusement, souvent, c'est pas le cas. Ouais, ben moi, dans au prochain épisode, je vais parler d'une nouvelle carte Hi-Fi que j'ai reçue, la Mobi. Et c'est une carte SD classe 10. Puis ça transfère... Écoute, c'est tellement simple. En fait, ma critique pourrait se résumer à ça. C'est la simplicité. Tu insères la carte, ça crée un petit réseau Wi-Fi local. Et là, tu branches ton téléphone ou ta tablette à ce réseau-là. Et à mesure que tu prends tes photos, elle se transfère automatiquement. Tu n'as rien ça, à parfait. Faire. Mais ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Puis ouais. Ça ne bouffe pas ta batterie. Un peu, parce que... Mais pas tant que ça. Moins qu'un GPS, un Wi-Fi, généralement, oui, oui. À l'intérieur parce de la... Parce que là, elle va être activée, justement, seulement pendant qu'elle transfère. Voilà. Mais moi, dans mon cas, c'est vrai que le Wi-Fi n'est pas le plus important. En revanche, pour avoir vu des journalistes avec ce type d'appareil-là, enfin, des photographes plutôt, mais des photographes qui travaillent dans les centres de presse, ils achètent direct le module parce qu'il y a le transfert de photos automatique avec le traitement. L'objectif, c'est d'être le plus rapide possible à envoyer aux agences. C'est sûr. Donc, c'est pour eux. Ça devient, je pourrais pas dire un mal nécessaire, mais c'est parce qu'à ce prix-là, c'est presque un mal. C'est un mal. C'est une dépense d'entreprise, une dépense d'affaires. C'est une dépense stratégique parce que, justement, elle te permet d'envoyer tes photos pour ton mandat, justement, envoyer les photos que tu prends sur la galerie de presse ou peu importe. C'est sûr que ça devient un must et ils c'est le savent. C'est juste qu'il y a un peu d'abus à 700$. Là. C'est oui, puis il est intégré au 6D. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pourquoi on ne l'a pas intégré au 5D Mark III. Il n'y a pas de GPS. Bon, ça, certains... Ça... pleureront, d'autres non. Moi, ça me fait rien. Il y a des raisons aussi de marketing. Là, si tous les appareils ont toutes les fonctions, tu vas tuer l'autre appareil. Ouais, tu veux garder une... Mais il y a quand même des décisions étranges qui sont faites par rapport à ça, des fois. T'sais, je veux dire, on parle de presque ton haut de la gamme, là, puis c'est pas le plus haut, mais presque. C'est le numéro 2. Non, mais tu vas vendre ton accessoire. Ouais, je sais bien. Pour ceux qui vraiment... Enfin, moi, je l'ai moins remarqué parce que je suis moins précis là-dedans, mais ce que j'ai lu aussi beaucoup de photographes plus professionnels, c'est qu'ils aimeraient la gestion d'exposition sur le collimateur actif. Et ça, c'est disponible sur le 1DX. Donc, c'est sûr que c'est une demande qu'ils voudraient avoir. Moi, honnêtement, c'est vrai que je le vois sur certaines photos. J'aimerais pouvoir avoir ça, mais ça me pose moins problème que des photographes plus chevronnés. En revanche, le point... qui, moi, m'a énervé le plus, c'est ce double slot de carte flash, compact flash et SD. Il y a une vraie limitation. En fait, la SD, le port n'est pas compatible UHS 1. OK. Donc, tu peux mettre tes cartes de classes les plus élevées. Ça ne servira à rien parce que c'est limité. Donc, c'est limité comme une classe 10 standard. Ouais, le UHS 1, c'est celle qui a le petit U avec le 1 à l'intérieur, justement. Là. Moi, c'est les cartes que j'utilise dans mon 60D et ça fait une différence. Et justement, hier, j'utilisais la carte Mobi, la carte Hi-Fi dans mon 60D. Et là, je suis tombé à une classe 10 régulière et j'ai vu la différence. Là. Je me disais, mais pourquoi je ne peux pas tout de suite changer à l'autre image ou... Ah non, c'est vrai, là, j'ai réduit le débit de transfert de 45 mégaoctets à la seconde à 30. Ouais. Donc, ça paraît... Là... Alors, c'est vrai que moi, je suis plus un gars de compact flash parce que dans la compact flash, à chaque fois, j'oublie le terme, mais il y a quelque chose qui te permet d'assurer de moins bousiller tes photos. L'intégrité des photos. C'est ça, mais j'oublie ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait vraiment que je retravaille là-dessus. Mais en revanche, écoute, tu sais, quand tu achètes un gros appareil comme ça, puis que tu te dis, OK, il me faut une grosse carte pour filmer, je vais aller vers une SD parce que ça coûte moins cher. Non. C'est limité au niveau du débit. Ouais. Et si vous faites une double écriture, ce qui est possible, par exemple, de vous dire, je mets le RAW sur une carte, puis le JPEG sur une autre, ça va limiter vraiment la vitesse des deux. Okay. Donc, je pense que ça va même jusqu'à ralentir le nombre d'images par seconde peux faire. Oui. Non, c'est le gros point noir de cet appareil. Mais en dehors de ça, moi, je suis... Enfin, voilà, j'ai un sourire dans la voix. Je pense que ça s'entend. Oui, mais oui. C'est un bonheur. Ah, super. Merci beaucoup. C'est gentil de le laisser ici aussi. on va le tester chacun notre tour. Ah, mais il n'y a plus mon sac au pied de la chaise. Et maintenant, François va nous parler des albums photos qui vont être bientôt, qu'on va pouvoir partager sur Facebook. Il était à temps. Mm. C'est à peu près le seul site de photos, parce qu'on peut considérer ça comme un site de photos en ligne, Facebook. Même si Facebook, c'est les massacres avec la compression. Oui, mais ouais. C'est le site qui contient le plus de photos au monde. Ouais. C'est quand même incroyable. Mais on pourrait parler de ça, d'ailleurs, un autre sujet que tu viens juste de me faire penser. Comment optimiser ses photos sur Facebook? Il existe... j'ai vu ça passer, je me demande si c'est pas toi qui a relayé ça sur ton Facebook. C'est Éric Santerre. Ah bon? Ouais. Mais on pourrait en parler de ça parce que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à avoir une bonne qualité de photos sur Facebook. Trois quarts s'en foutent, mais les autres aiment ça, avoir une bonne qualité de photos sur Facebook. Alors surveillez ça, chers auditeurs, épisode 41, je mandate François. Et voilà. Challenge accepted. donc oui, Facebook va permettre de partager les photos avec de cette façon. On va pouvoir inviter 50 personnes à notre album photo ou que j'appellerai contributeurs parce qu'ils vont avoir la possibilité d'uploader jusqu'à 200 photos chaque. Le créateur de l'album, c'est-à-dire par exemple moi dans ce cas-ci, peut décider si je garde le contrôle de tout, ou si je permets aux contributeurs d'inviter d'autres personnes aussi à cet album-là. Donc, il y a une possibilité d'avoir vraiment un nombre infini de personnes dans l'album. C'est vraiment pratique dans le cas de, je sais pas, moi, un anniversaire de quelqu'un. Et on se retrouve à avoir, je sais pas, pris une cinquantaine de photos chacun. Il y en a deux, trois qui ont pris une cinquantaine de photos. On n'est pas nécessairement amis Facebook avec ces personnes-là. Donc, en les invitant à contribuer à l'album, ben voilà, au lieu d'avoir trois albums à partager, en envoyant des messages privés, « Bon, viens voir mon album, où je t'invite comme ami, blablabla », ben on rapatrie ça sur un seul album. Ouais. Bon, c'est ça. C'est rien de nouveau qu'on connaît pas ailleurs. C'est juste non, c'est que ça, là... ça se fait sur Google+, hein, bon. Déjà. Ah, ben, peut-être. Oui, ben en fait, tu saurais si tu étais membre. Mais... Ben oui, mais non. Non, comme non. Je ne suis pas membre. Donc, c'est ça. C'est quelque chose que Facebook offre qui aurait dû être offert avant ça, tant qu'à moi. Mais c'est bon. Ça va être quelque chose de très, très, très pratique qui va démocratiser c'est quoi un album partagé parce que beaucoup de gens se servent de Facebook, mais beaucoup de gens ne se servent pas nécessairement de sites en ligne de partage de photos. Mmh. Alors, c'est ça. C'est juste une autre façon d'amener plus de monde. Fait que je trouve que c'est bien. Apparemment, on travaille sur la version mobile aussi de la fonction. Et puis, voilà. Super, ben merci. De mon côté, moi, je vais vous parler de 6 erreurs communes qu'on peut facilement éviter dans Photoshop. Ben facilement, il y en a qui exigent un peu plus de travail peut-être, mais il y en a plusieurs que c'est vraiment une question d'habitude, question de façon de travailler, de workflow si on veut. Et la première erreur que beaucoup de gens font, et j'avoue que je la fais aussi, c'est de ne pas utiliser les raccourcis clavier. Ça travaille beaucoup plus vite avec des raccourcis clavier que de toujours aller dans le menu chercher l'option, la fonction. Il suffit peut-être de... Il y en a sur Internet, vous pouvez trouver, ça s'appelle des cheat sheets, donc des feuilles pour tricher si on veut, qui donnent les raccourcis, que ce soit Photoshop, Lightroom, peu importe. Et à la limite, ou sinon, vous notez celles que vous utilisez le plus souvent. Vous refaites votre propre feuille de notes, puis éventuellement, après quelques utilisations, vous allez les connaître par cœur. Donc, mais t'as raison, j'ai vu ma cousine qui est infographe travailler avec ça, puis ça va vite. Ça va pas mal plus rapidement. Les seules personnes que j'ai vu travailler avec ça, c'est des infographes ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la photo. Là, mais il y a probablement quelques raccourcis qu'on utilise très souvent qui vaudraient la peine. Là. Moi, le X, le C, le V, c'est ça. Comme partout. Copier-coller. Oui, c'est ça. Mais sinon, le R... Z, c'est vrai. Ouais. Mais y, sinon, les autres, je connais pas. Y fait redo. Ouais, redo dans aussi, certains c'est bon. Cas, ah ouais, pour bon. Refaire un truc, mais... Non, c'est ça. On connaît tous la base, mais aller un peu plus loin, pour ne serait-ce que pour ouvrir une fenêtre, mettons, pour... la netteté, retravailler la netteté, le sharpen. Ben là, parce que d'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure, mais dans le Photoshop actuel, le Photoshop CC, il y a ce qu'il appelle un Smart Sharpen, donc pour rajouter de la netteté, mais de façon intelligente, qui est le mot, le buzzword de l'heure. Mais c'est que tu as plusieurs options. Déjà, tu peux changer, rajouter de la netteté pour retravailler un flou de bougie, pour retravailler un flou d'objectif ou d'autres trucs. Puis tu as plein de paramètres que tu peux ajuster. Ben moi, je me retrouve maintenant à aller souvent dans cette fenêtre-là. Et en connaissant le raccourci, ben là, je pourrais l'ouvrir facilement puis dire OK, ben là, je passe par effet, par sharpen et compagnie. Donc, à sauver 5 secondes là, quand tu travailles 200 photos là, à chaque fois, ça finit par paraître. Ouais. Donc, puis ça, c'est pour une fonction. Si tu fais plusieurs retouches dans ton image, ben ça, tu sauves des dizaines de minutes peut-être là, dans ton travail. Ensuite de ça, la deuxième erreur, ne pas sauvegarder de façon régulière. Contrôle S. Jamais ça, personne. Contrôle S, constamment. Sur aucun document. Pomme S. Pomme S, évidemment. Il n'y a pas des fonctions de sauvegarde automatique qui existent. Ça fait longtemps. Photoshop, je pense. Tu te fies à ça, toi, les sauvegardes automatiques? Oui. Pas moi. Non. Sauvegarde automatique, c'est bon pour des documents Word. Même, il n'y en a pas dans Photoshop. Non, je pense pas. Hein. Ah. Non. Si tu fais des changements et tu n'as pas sauvé tes changements, t'es fait. C'est ça. Et des fois, juste un 15-20 minutes, ça ne te tente pas de le refaire. Là, t'es pro ou tu ne l'es pas. Hein. Exact. Ouais, j'imagine. Une autre erreur à éviter, ne pas utiliser, que les gens font, ne pas utiliser les couches et les dossiers, surtout les layers, les couches. C'est tellement pratique pour ajouter pour des modifications à son image, des trucs comme ça, sans altérer l'image elle-même. Ou en tout cas, c'est très, très utile, des couches. Et d'ailleurs, petite anecdote, je vais vous en parler aussi. J'ai mon petit sac photo que je me suis fait faire. J'ai fait broder le logo du podcast sur mon sac photo. Donc, ça crie à tout le monde, aux voleurs, « C'est un sac photo! » En refaisant le logo, j'ai pensé à un truc. Puis, j'ai fait, parce qu'évidemment, il y a l'adresse du site. Donc, j'ai mis les www.objectifnumérique.com, mais il n'y a pas d'accent sur le « e » à numérique, évidemment. Mais dans le logo en ligne, j'ai rajouté un accent, mais qui n'est pas de la même couleur pour montrer évidemment qu'on ne doit pas le taper. Et c'est une couche que j'ai mis, mais dans Illustrator cette fois-là. Et là, ben, dans Photoshop, à la limite, j'aurais pu aussi l'ajouter comme une couche si je travaillais dans Photoshop. Et ce qui est utile, c'est qu'on peut la faire apparaître ou disparaître comme on veut, tout simplement en appuyant sur le petit œil dans la couche en question. Donc, que ça soit pour un accent sur une lettre ou que ça soit pour une correction, un correctif sur un portrait, un visage. Il y en a des fois qui enlèvent peut-être un petit bouton, un truc. Si on retouche en faisant la retouche sur une couche, à la limite, on peut annuler. C'est pas destructif de l'original, si on veut. J'avoue conserve. Que pour des photos, les couches, j'utilise pas ça du tout, moi. Pour le dessin, je fais du dessin, ouais. Ça, je l'utilise beaucoup, la couche, mais les photos... Je vois moins l'utilité, j'avoue. Ben c'est l'utilisation de Photoshop en général, dans le fond. Tu sais, le sujet de... Tu sais, je veux dire, je parle de l'utilisation en général. Mais je comprends ce que tu dis, puis t'as pas tort, loin de là, mais j'avoue que je l'aurais pas pensé à l'utiliser, moi. Mm-hmm. C'est bon. Peut-être à essayer. Oui, non, mais c'est pas bête. Ensuite, effectuer justement des ajustements permanents plutôt que d'utiliser les couches ou encore de ne pas utiliser les Smart Objects. Ça, j'avoue que je dois fouiller un peu plus là-dessus, approfondir. Plutôt que ce qu'il appelle la fonction Rasterize là, pour transformer une couche dans ton image. Il y a des trucs à aller voir là-dedans là, pour vraiment optimiser. C'est puissant, Photoshop, il y a bien des choses que tu peux faire avec puis ça. Puis là, les Smart Objects, justement, ça fait peut-être quelques versions qu'il y a ça. C'est quand même assez récent, mais ça a l'air que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Là. Il faut vraiment approfondir un peu de ce côté-là. C'est très intelligent. Oui. Ensuite, l'avant-dernière erreur, faire trop de retouches. Parfois, il y a des gens qui retouchent les photos et ça enlève l'aspect naturel, si on veut, ou ça altère vraiment. Si tu veux mon opinion, tu aurais pu enlever toutes les autres puis garder juste celle. C'est la pire de toute la gang. C'est clair. Donc, moi, c'est ça. Le conseil que je donne, c'est tout est dans la subtilité. Parfois, là, nos photos sont vraiment pas loin d'être des bonnes photos. Il suffit juste d'une un petit détail là, ou juste corriger un petit peu la balance des blancs ou juste corriger le tone là, le contraste, mais sans y aller trop là, vraiment. Mais ça, moi, tu peux corriger ça tant que tu veux, tu peux jouer avec ça tant que tu veux exagérer. Moi, c'est quand tu altères la photo que je trouve que là, on est un petit peu plus... Oh, oui. On perd dans d'autres choses. Quand c'est rendu que... Tu retires des gens de l'image ou des trucs comme ça... Encore une fois, ça me dérange pas parce que si c'est un paysage, tu veux retirer les gens, comme j'ai vu quelque chose, une magnifique article par rapport à ça cette semaine qui disait si tu veux prendre des photos de paysages qu'il n'y a pas de gens dedans, tu prends 3-4 photos, mais avec des zones où il n'y a personne dans la zone, puis tu les assembles après, et voilà, tu as une photo complète où il n'y a personne dedans. Ouais. Tu peux retirer les fils électriques aussi. Ou tu peux faire une longue exposition, mais ça, les gens vont finir par passer. J'ai plus de misère avec retirer les fils électriques, ils sont là. Ouais. Ils sont là, quelqu'un qui va arriver là va dire « Ah, il y a des fils électriques. » Ouais. Ben, oui, mais ça dépend. Si tu as un beau coucher de soleil puis il y a un fil qui passe dans ton objectif, à la limite, si tu veux l'enlever... Change de place. Ouais, mais des fois, tu peux pas. Change de place. non, ça, c'est moi. Regarde, vous pouvez penser comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Tout comme faire perdre 20 kilos à modèle, Là, on tombe dans l'éthique. Là, on est dans des questions totalement différentes. Mais oui, mais... c'est pas pareil. Oui, non, c'est avec Photoshop pareil que tu le fais. Oui, mais c'est ça, trop c'est... de retouches. Écoute, quand on va te proposer le salaire, que tu vas accepter. mais c'est vrai que c'est souvent... Tes principes vont changer. Non, mais je l'ai déjà fait dans le passé. Là. Je dis pas que je l'ai jamais fait. Je vais vous donner un exemple bien simple. J'ai pris une photo de quelqu'un, puis le flash, il rebondissait du plafond jusque vers le bas. Puis, ce que j'avais pas pensé, c'est que dans les la personne avait des lunettes. Fait que ça y faisait une barre presque à la hauteur de l'œil. Mm-hmm. Oui, j'ai retouché la photo pour enlever les barres à la hauteur de l'œil. Ben oui. Ça me va. Parce que c'est pas altérer la personne. Mais c'était pas trop de retouches non plus. Non. C'est que tu as corrigé la photo. J'ai même déjà carrément enlevé la tête de quelqu'un d'une photo puis remettre la tête d'un autre parce qu'il y avait les yeux croches. Ouais. La photo était superbe. Puis il y en a un, le père, sa photo avait les yeux croches, j'étais comme, mon Dieu. Puis c'est quand je l'ai dit à la personne, elle a dit, tu as fait quoi? Ça paraît même pas. Je vous ai tranché la tête. Je vous ai tranché la tête, c'était ça. Mais c'est vrai que c'est le point qui fait la différence souvent entre un photographe amateur puis un photographe professionnel. Puis je le vois, moi, parfois je fais des modifications, puis je me dis, je vais revenir à la photo originale parce que ça me satisfait pas, ou sinon ça fait plus artistique. Pas dans le sens photographe, mais dans le sens... C'est presque un dessin Ou on passe à la photo HDR, que tout est poussé au maximum. Parfois, c'est trop. Il y en a des très belles, mais il y en a que c'est trop rare. Poussé et c'est plus naturel du tout. C'est souvent dans la subtilité que se joue une belle photo. Oui, exactement. Et la dernière erreur que beaucoup de gens font, c'est utiliser Photoshop pour tout faire, peu importe. Plutôt que d'utiliser les bons outils comme Illustrator, si on veut faire, un logo, un dessin vectoriel ou des trucs comme ça. Chaque logiciel a son utilité. Donc, oui, on peut se débrouiller, mais parfois, c'est plus long, plus fastidieux de s'entêter à rester dans le même logiciel que d'utiliser un autre. Donc, voilà. Ça fait très le tour. Sage. Et on continue dans les trucs. Christian, tu nous présentes des trucs pour la photo d'automne. Quel timing incroyable! Qu'on n'est pas rendu au printemps? j'ai vu quelques idées par rapport à ça. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai, la photo d'automne, ce qui est intéressant de la photo d'automne, c'est les couleurs. C'est qu'est-ce qui diffère des autres, dans le fond. Puis, les trucs que j'ai à vous donner, c'est pour justement aider à accentuer ces choses-là. On en a déjà parlé, je pense, dans un épisode auparavant, ce qu'on appelle le concept du golden hour, qui est les heures le matin et le soir. L'avantage avec le golden hour, c'est que tu as déjà comme une espèce de rat jaune, orangé, etc. Fait que toutes tes couleurs rougeâtres, orangées, tout ça vont t'aider aussi à ressortir encore plus si tu prends des photos le matin ou le soir, dans ces périodes-là. La lumière, c'est, en photographie, la chose qui est la plus importante. Fait que ça reste aussi que, même pour vos photos automne, cherchez toujours la lumière. Vous voulez un sujet, que ce soit les feuilles rouges, les affaires, arrangez-vous toujours pour avoir votre sujet, la lumière, qui l'entoure, qui l'amène, Qui la met en valeur. Qui la met en valeur, c'est ce que je cherchais. Qui a une composition. Qui a une composition, etc. C'est ça. Si vous voulez faire une photo d'un paysage, bien, arrangez-vous pour que ça aille un bon impact avec un avant-plan, un plan du milieu défini, un arrière-plan. Tu sais, quelque chose de vivant. Oui, ben c'est ce dont on parlait en donnant les trucs l'autre jour, de faire, quand on fait une photo de paysage à la verticale, ça ajoute des couches, si on veut, de la profondeur à la photo. Tu sais, gênez-vous pas pour avoir quelque chose en avant-plan là, qui est très, très proche, mais qui, je sais pas moi, qui va... comme cacher une partie des éléments, vous avez en arrière, puis vous avez de l'autre. Faites-le, allez-y. Quelque chose de profondeur, puis moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup les photos verticales, fait que gênez-vous pas, faites-en des photos verticales aussi. Ça Christian peut... va aimer ça. Exactement. On est en automne, ben mettez beaucoup l'accent sur les couleurs, sur la texture de l'automne, que ce soit des feuilles mortes, que ce soit... je sais pas moi, tu sais, quand il commence à avoir un peu de givre là, vers la fin de l'automne, plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez aller voir par rapport à ça. Les contrastes forts. Vous avez un arbre rouge, vous avez un fond avec un ciel bleu, ben le contraste est très, très fort. Cherchez ces contrastes-là. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Vous avez un arbre qui n'a plus de feuilles, qui n'a plus rien. Puis, je veux dire, les autres sont tous feuillus. Ben cet arbre-là va peut-être être votre... le point focal, allez-y pour vos contrastes. Mm-hmm. La perspective, ben, n'ayez pas peur de vous salir. Moi, c'est une autre affaire que j'aime. Vous pouvez vous mettre par terre, là, puis prenez des photos là, vraiment très basses, que ce soit une feuille qui soit par terre, que ce soit une vue qui part vers le haut. Photographier une flaque d'eau, parce qu'il pleut souvent l'automne. Tout à fait, oui, oui. Quoi qu'à l'été aussi au Québec. Là, mais... Oui, bon, ça c'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans. Mais, ou même si vous êtes un peu plus courageux, il y a l'autre bord aussi. Si vous pouvez trouver une place un petit peu plus élevée, que ce soit dans une montagne, que ce soit dans une vallée, dans un arbre, la perspective, ça change tout sur une photo. Il faut être équipé pour sortir avec toi à l'automne. Ça... Tout à fait. Tout à fait. On armée de sécurité. On s'en va faire de l'escalade. Puis, ben, il y a ce que Stéphane a l'air de vouloir vouloir acheter. La macro. Macro aussi peut être intéressante pour l'automne parce que. Comme je disais, ben on a des feuilles, on a des textures, on a des affaires qu'on peut aller chercher qui sont intéressantes. Dans la forêt, il y a de la mousse, des champignons. La pluie que tu disais, tout est possible. Là. Tout ce qu'on peut aller chercher, là, un petit peu de givre, là, comme je disais, un petit peu la glace qui commence tranquillement vers la fin de l'automne. Plein de choses qu'on peut aller chercher. Un truc important, par contre, il ne faut pas oublier la vitesse d'exposition. Pourquoi la vitesse d'exposition? C'est qu'à l'automne, on a souvent des vents forts. Or, si on prend nos photos un petit peu trop lentes, ben on va avoir des bougies. Est-ce que si c'est ça qu'on veut, ça peut devenir intéressant? Ouais. Là, ça, c'est une autre histoire complètement. On peut même ralentir vraiment l'exposition pour avoir des branches très floues, que ça devient presque des traits de pinceau, des coups de pinceau. Fait que ça peut être intéressant, mais il faut en tenir compte si on veut que ça soit clair, si on veut que ça soit propre. Tout est une question de c'est quoi qu'on veut faire. Fait, moi, je dirais qu'avec ça, déjà, vous êtes quand même un petit peu en... Vous pouvez faire, tu sais, beaucoup de choses. Toujours le même truc. Allez-y. Faites-en. Gênez-vous pas. Puis achetez-vous plus d'une carte de mémoire, ce que vous pouvez la remplir, puis changez-les, puis ça vous permettra d'essayer d'autres choses. Bon, merci bien. Et de mon côté, ben, je vais vous reparler d'Adobe Creative Cloud, parce que je vais faire juste un survol des nouvelles fonctionnalités, surtout dans Photoshop, parce que c'est le logiciel dont je me sers le plus du Creative Cloud. Lightroom aussi, mais Lightroom peut être acheté de façon indépendante, donc j'ai vraiment mis l'accent sur Photoshop. Et bon, parmi les nouveautés, on a la réduction du flou de bougie. Il y a une fonctionnalité carrément qui va enlever... Tu Non, honnêtement, non, parce que j'en ai jamais dans mes photos. Non, c'est pas vrai. Mais non, je ne l'ai pas testé vraiment. Mais la prochaine, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux Smart Sharpen, donc la netteté intelligente. Donc, on peut augmenter la netteté en jouant avec certains paramètres, justement, pour faire de la correction de flou d'objectifs, flou de bougie, le flou gaussien, là, le Gaussian Blur. Et c'est vraiment génial parce qu'on peut y aller... Puis même dans Lightroom, il y a ça aussi là, pour rendre les photos plus nettes un peu, enlever le flou. Ouais. Il y a des petits boutons qu'on peut glisser vraiment pour y aller de façon minutieuse, vraiment ajuster de la façon qu'on veut. Avant, on avait dans Photoshop, on avait Sharpen puis Sharpen More. Ouais. Tu pouvais ajouter un petit peu de netteté que là, tu te demandais, mais est-ce qu'il y en a vraiment ajouté? Puis là, tu allais dans Sharpen More, puis monsieur, il y en a trop mis. Fait que là, maintenant, avec la fameuse fonction Smart Sharpen, c'est vraiment à notre goût, c'est vraiment selon nos besoins pour cette photo-là, et c'est vraiment génial comme fonction. Moi, je suis très souvent là-dedans. Il y a maintenant... Tu es en train de nous dire que tes photos sont pas assez claires, finalement. Non, c'est que je suis très pointilleux sur certains... Justement, c'est rarement assez net à mon goût. Et... C'est drôle, j'ai vu un article là-dessus qui disait qu'on est trop accro à ça. Ouais. Que c'est pas mauvais un petit peu de flou dans une photo, que ouais. C'est pas laid. Qu'on est habitué, qu'on a vu des photos tellement claires, tellement parfaites, que là, on cherche que ça. Ouais. Que et, ça. Et pourtant, tu sais, justement, à l'ère de l'argentique, il y en avait des photos floues. Puis... Et c'est effrayant, même en réalité. Regardez vos vieilles photos, là. Généralement, ouais. Vous allez... La mâchoire va vous tomber à terre. Ben non, mais c'est pour ça, là, on découvre la netteté. Alors, on veut l'exploiter au maximum. Ouais, mais comme d'habitude, on tombe jamais. C'est tout d'un extrême à tout l'autre extrême. Non, mais c'est justement, comme je disais tout à l'heure, tout est dans la subtilité. Oui. Tu vas pas... Comme dans Lightroom, là, je ne vais pas utiliser le truc de clarté puis l'envoyer au maximum parce que c'est plus naturel. Mais non, je vais rajouter... la personne, elle sort tellement du décor. Mais souvent, je le tasse d'un cran. Je le mets à plus 5, plus 10 maximum, mais juste pour dire. Juste un petit truc de netteté. Puis des fois, mais ça fait la différence. Je t'agace, même moi aussi, je le fais. Tout le monde le fait un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est pris entre deux extrêmes aujourd'hui. Ceux qui te montrent le HDR, puis tu fais « Oh, wow », etc. Puis c'est net, puis c'est beau, etc. Regarde, puis on voit les poils du nez. Et puis la photo Instagram qui est floue. Ouais. C'est... Du coup, t'es dans les deux et bon, tu joues entre les deux maintenant. C'est ça, exactement. Puis l'autre, ben vous m'excuserez, j'ai que l'expression anglaise encore. C'est un healing brush, hein, donc le pinceau pour correction, si on veut. Ouais. Pour guérir. Pour guérir, ouais, c'est ça. Quelle traduction atroce. Oui, définitivement. Donc, disons la brosse de correction pour sauver des portions de votre image. C'est la langue qui va être contente. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, en mode avancé, ça permet de corriger une image en crayonnant ou en peinturant, si on veut, plutôt qu'une zone circulaire comme ça se faisait avant. Donc, vraiment... On va cliquer, en fait, on fait Alt-Click dans une zone et puis on va aller pouvoir corriger des petits trucs vraiment comme en dessinant pratiquement sur sa photo. Et j'ai fait disparaître des lignes. Parfois, quand je prends des photos de produits, j'ai deux cartons collés puis il y a une toute petite ligne noire entre les deux. Puis là, ben avec ça, c'est génial. Tu cliques à un endroit puis tu recorriges ta photo puis la ligne disparaît entre les deux cartons. Donc, moi, je trouve ça très, très pratique, ce truc-là. Il y a une gradation radiale qui permet de mettre l'accent sur le centre de la photo plutôt que d'appliquer un filtre comme de vignettage ou ce genre de truc-là pour vraiment... Tout le pourtour de la photo va être comme plus flou ou assombri un peu et ça met vraiment l'accent sur ce qui est au centre de l'image. Je cherche la différence avec le vignettage, honnêtement. C'est pas mal l'effet, la même chose. Ouais, l'effet est différent. C'est peut-être juste plus réussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est moins... Plus subtil? Oui, c'est ça, exactement. C'est plus subtil, donc ça fait plus naturel un peu que juste dire « j'ai mis un vignettage ». Ça fait moins Instagram, si on veut, ou moins poussé. C'est pas un filtre de pauvre. Bon, j'ai retouché ma photo avec Instagram, c'est sûr que ça fonctionne moins bien que... Ouais. Mais il y a tellement de nouvelles fonctionnalités, et l'avantage... Maintenant, du Creative Cloud, c'est que plutôt que d'attendre qu'Adobe juge que ça vaut la peine de faire une grosse mise à jour, mettons, tu sais, on était à CS6, ben CS6.1.2, puis là, ben ça faisait, il attendait vraiment qu'il y ait plusieurs trucs pour que ça vaille la peine de faire télécharger des centaines de mégaoctets à tout le monde. Mais là, ils mettent des plus petites patchs, des plus petites rustines, des correctifs. Et là, des mises à jour sont vraiment plus incrémentales, mais le petit inconvénient là-dedans, c'est que ça m'est déjà arrivé... Chaque fois que tu pars, tu es obligé de redownloader quelque chose, ou à peu près? À peu près. Tu sais, mettons, une fois par semaine, là, je partais Illustrator ou je ne sais plus trop, puis j'avais une petite mise à jour à faire. Puis là, ben, ça arrive pas ça souvent. Ça serait bien si tu pourrais décider de les télécharger celles que tu voulais. Ça serait un concept qui serait intéressant. Ben, t'es pas obligé. Il dit, t'as une mise à jour de disponible. T'es pas obligé de la faire. Parce ben non, que mais c'est... la prochaine fois, il va te la demander encore une fois, puis la fois d'après, puis ben la fois d'après, c'est puis que la t'as fois d'après. Un centre de gestion de Creative Cloud, okay. Et c'est lui qui te le dit. À la limite, tu le fermes, puis il t'achalera pas. Là. Il va pas te déranger à chaque fois. Non, je comprends. Mais moi, je le laisse ouvert, puis à mesure qu'il y a des mises à jour, soit dans Lightroom, dans Illustrator, dans Photoshop, il me les propose, mais c'est... Comme je le laissais toujours activé, ben c'est déjà arrivé qu'il me le propose plusieurs fois en ligne. Là. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire comme le navigateur, tu sais, le télécharger puis l'appliquer quand tu fermes. Oui, quand tu ton... redémarres, ouais, quand tu fermes, ça serait bien. Mais peut-être que ça va en venir là. Ouais. Alors si les gens d'Adobe écoutent, voilà. Donc enfin, tout ça pour dire que j'étais un peu réticent au Creative Cloud au début parce que surtout. Avant qu'ils proposent le fameux ensemble pour photographes, que là, je trouve génial, ça pouvait paraître un peu cher, tu sais, d'avoir un abonnement mensuel dispendieux, en disant... Ouais. C'est parce que, normalement, presque tout le monde fait ça, on sautait une version, un peu comme un appareil photo, parce que c'est plusieurs centaines de dollars. Fait que moi, j'avais Photoshop CS5, ben j'ai pas acheté le CS6, mais là, avec un truc qui va se mettre à jour, mais qui est à un prix raisonnable, un prix mensuel raisonnable, je vois pas pourquoi, justement, tu profites, comme là, avec cet ensemble-là, tu profites de plusieurs logiciels, 10$ par mois, ben, c'est vraiment si raisonnable. Plus, quand tu disais, il y a même un peu de stockage aussi inclus, ce qui est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'un 20 gigs de stockage, c'est pas loin, dans bien des sites, ça doit être à peu près ça, juste 10$ par mois ou à peu près, fait que... Ouais. Ben, la plupart des sites qui offrent du stockage gratuit, t'as 5-7 gigaoctets, là. Non, puis tu parles à des personnes qui peut-être le téléchargeaient de manière illégale. Je dis pas tout le monde, mais il y a une frange de personnes qui n'étaient pas prêtes à mettre ce montant important, mais à 10$ par mois, là, ça change la donne parce que ça fragmente ton paiement avec des mises à jour régulières. Donc, ça commence à faire réfléchir. Je dis pas que ça enraye tout le monde. Puis... Non. Non, mais au prix que Photoshop était vendu, je suis convaincu qu'ils ont réussi à aller chercher du monde légalement. Avec Oui, parce que tu parlais, c'est ça, de 500-600$. Tandis que là, si ça te coûte 120$ par année, ça te prend 4 ans, 5 ans avant d'arriver à ce prix-là. Mais tu as plusieurs logiciels qui sont constamment mis à jour. L'argument de « c'est cher » est pas mal affaibli. Là, comme Lightroom était allé chercher un public qui jamais aurait acheté vraiment Photoshop, puis là, tu sais, t'as un montant qui n'est pas si important que ça pour un logiciel qui change la vie de développement de pas mal de monde. Parfait. Bon, ben ça fait pas mal le tour. En tout cas, moi, je recommande fortement le si vous hésitiez encore là, avec le Creative Cloud, moi, je vous dis embarquez... À 100 000 à l'heure, comme on dit ici. Alors sur ce, on va conclure cet épisode et on va remercier Benoît Chamontin de Geeks&Com pour sa deuxième visite. Merci pour votre accueil. Merci à tout le monde. C'était un plaisir. Mais merci à toi. Merci. Ben oui, merci de nous laisser ta 5D Mark III. C'est vraiment trop généreux de la laisser. Si la Russe Assurance m'écoute. Oui, c'est ça. Ah oui. Petit rappel, défi numéro 7, les patterns, la répétition. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Vous avez 2 semaines pour le faire, donc ensuite, ça sera le moment du vote. Donc, qui va se mériter le prix de Blurb à suivre. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Pour nous rejoindre, c'est, comme à l'habitude, podcast@objectifnumérique.com pour nous envoyer vos commentaires, suggestions et vos questions. Et pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter au numérique, Facebook et Google+, vous cherchez Objectif Numérique. Merci, à la prochaine!